C'est fou la roulade. 89-1. Assemblage requis, une présentation du service aux étudiants de l'UQTR et de la Banque nationale. Yes. Plan d'aujourd'hui, assemblage requis. Simon Fitzbé termine l'histoire des Rolling Stones dans Phénomène. Et on reçoit François Landry avec sa chronique Le Gaulle Classisseur. C'est dans Assemblage requis, ça commence à l'instant. Bonjour, bienvenue à Assemblage requis, c'est l'émission matinale en pièces détachées. Salut François-Olivier Marchand. Bonjour Mathieu Plante, barre oblique, nouveau look. Ah, nouveau look, tant que ça. Qu'est-ce que j'ai de nouveau? Qu'est-ce que tu remarques? Vos vêtements. Non, tes lunettes. Ah, mes lunettes, ben oui. Ben oui. On peut pas passer à côté. Non. Ben, venez les voir, studio à côté de la Chasse Galerie. Ou appelez-nous, on va vous envoyer des photos. Oui, ou peut-être que Facebook, invention de 2011, là, pourrait nous favoriser là-dessus. C'est peut-être plus simple pour tout le monde. Peut-être. Mais poste une photo. OK, je vais faire ça à l'instant, juste après l'introduction de l'émission, dans laquelle il y aura plein de choses. Hein. Vous savez, les jeudis, on a deux chroniqueurs. Simon Fitzbé va être avec nous à 8h30, pour Phénomène. Et 8h30, François Landry avec sa chronique Logo Crescent. Que de sujets intéressants. Simon nous parle des Rolling Stones pour la dernière fois dans son mois de février sur les Rolling Stones. Et François, lui, c'est le manifeste de Logo. Il nous critique ça et il nous dit « Tout ça pour ça ». Tout ça pour ça. Mais les gens ont l'air à être emballés. Mais bref, on va en parler avec François. Tout à fait. Ça, c'est le plan de l'émission, pas mal en gros. Il y a aussi, évidemment, de la bonne musique là-dedans. On pourrait pas passer à côté de ça non plus. Hein? Non. Mes lunettes, la nouvelle musique, c'est toujours très, très bon. Tout le temps. Mes lunettes chantent pas, par exemple. Non. Non. Non. Mais elles font chanter. Je sais pas. Non? D'accord. Alors, on écoute Jérôme Dupuis-Cloutier avec Homme d'instinct à Assemblage requis au 89. Hein? Si t'en penses, mes lunettes, ça va. Je prépare une photo en fait. T'as peur, il commence à chanter, là. Non. Tu prends une photo, là? Ouais, je pense que oui. Je vais prendre une photo, là, pendant que la chanson est en train de jouer. Pendant que tu parles? Ouais. Ça va avoir l'air plus crédible, comme à la radio, là, professionnelle. La vraie radio. Cling, 3, 2, 1. Je suis un homme d'instinct, une race en voie d'extinction. Vous ne pouvez m'emmener dans le train de l'évolution. Je ne bouge pas tant que j'ai faim. Laisse faire le cobalt. Si c'était juste de moi, je coucherais dehors. Bienvenue chez moi, qui est aussi chez soi, sous la belle étoile. Ça fait longtemps que je vis mon errance dans le dépassé d'une autre voie lactée. finition construite à partir de matériaux de qualité. Assemblage requis se poursuit jusqu'à 9 heures. KB77 dans l'assemblage requis au 89 FM. C'est la radio campus de Trois-Rivières. Et puis, on est là, puis on la remplit de nos voix. Suave. Suave. Oui, oui. Très important. C'est le mot important dans cette phrase. Suave. C'est clair. C'est clair. Et c'est Francine aussi. Et c'est Francine. Et plusieurs ben oui. autres de mes tantes. Là. J'ai vraiment une tante Claire, une tante Francine. J'ai une tante Ginette. Une tante... Tu peux les saluer? Ben bonjour à elles toutes. Elles sont comme... 15, genre. 15? Ah, pour vrai? Ah ouais? Non, son 8, 9, ouais. Mon père a eu beaucoup de sœurs, mais il est le seul frère. Ah ouais, pour vrai? Oui, incroyable. Hein? Oui. Les parents, ils sont tombés sur toutes des filles, presque. Des choses qui arrivent. Ça arrive, ça arrive, ça arrive. François-Olivier Marchand? Mathieu Plante. Quoi neuf? Pas grand-chose. Pas grand-chose, c'est bien ça, moi non plus. Je dirais que la deuxième heure d'émission va être remplie tellement de chroniqueurs que des fois, ça nous donne moins envie de remplir la première heure de matériel parce que sinon, on n'aura pas grand temps pour de la musique. Non, c'est ça, exactement. T'es d'accord avec moi. Donc, c'est pour ça qu'on va retourner en musique avec la formation Braids et la pièce Plat Heart. C'est une bonne pièce, ça. Très bonne pièce. Oh oui, oh oui. Et puis après ça, ben, on va quand même se taper une bonne petite chronique. C'est un fait, mais c'est pas une trop grosse. Une petite pour qu'elle prenne moins de place, plus de musique. Après ça, les chroniques en deuxième heure, si ça vous dérange pas trop. Vous êtes ensemble avec qui? Yay! Ah, t'es content? Oui. Youpi! Assemblage requis est une présentation du service aux étudiants de l'UQTR et de la Banque nationale. jusqu'à 9h, vous écoutez l'émission matinale en pièces détachées, Assemblage requis. Ça met de bonheur ce matin. Oh, ben de bonheur. Ça met de bonne humeur. Ça met de bonne humeur, de bonheur. Hein, c'est ça que ça donne quand tu commences à parler en premier. Merci Mathieu. Ça fait plaisir. C'est toujours plaisant d'être avec toi.

Pas si pire proche, là. On se rapproche, mais on essaie d'y aller, tu sais, loin, près. Avec des extraits d'émissions, des fois pas, des fois oui, des fois pas, tu sais. Ça va être très, très bon. Alors, je disais donc que Danko Jones, j'ai retrouvé la pièce, c'était pas bien difficile à trouver. C'est Tonight is Fine, c'est vraiment sa deuxième semaine, donc il me semblait aussi que c'était ça. Et on l'écoute à l'instant dans Assemblage Rocky au 89. on walks. When we go on long walks, we go on very long walks. Hey, you shot your lover in the barn. Hey, you got stories in your past. Still, I see glory in that heart. You got courage, you got courage now. Fun, and we're insightful as the last. Long walks, we go on very long walks. When we go on long walks, we go on very long walks. Hey, with your guilt and despite, ooh, with your colour intact. Oh, through the villages and the parks. You got courage now. Fine, and we're safe like lost. C'était Lolly Feathers avec la pièce Long Walks qu'on adore, François et moi. Je pense qu'on a comme redécouvert cet album-là. Pourtant, il existe depuis un bout. Là. J'adore, j'adore. Faut que je l'écoute au complet. Je pense que je vais me faire un devoir en fait. C'est une mission. C'est un album de 2009, Fantasy of the Lot par The Lovely Feathers. C'est la fin de l'assemblage requis pour la première heure. Il y en a une deuxième tantôt. Qu'est-ce qui s'en vient, Frankie? Simon Fitzbé avec sa chronique Phénomène arrive à l'instant. Oh, les Rolling Stones, quatrième et dernière partie. On va aussi avoir François Landry avec sa chronique Logocratie 101 cette semaine. C'est le manifeste de Lego qu'on va décortiquer telle une crevette non décortiquée à l'avance. Parce que là, des fois, il y a des décortiqués. Il y en a en conserve, je pense aussi. Il y en a en purée, que tu peux comme tartiner sur ton pain. Ah. C'est bon, ça! Merci, là! Le service aux étudiants de l'UQTR et la Banque nationale sont fiers de vous présenter Assemblage requis. Bon, donc c'est la deuxième heure d'Assemblage Requis, l'émission matinale en pièces détachées. On est en direct des studios de CFO à Trois-Rivières en ce jeudi 24 février. Moi, c'est Mathieu Plante. Moi, François-Olivier Marchand, alias Tabarouette. Hein, Simon? Oh, hein? Le Tabarouette est facile avec ce gars-là. C'est plus une surprise. Ça, Tabarouette. Tabarouette. Ah, c'est toi, que... Toi, hein? Toi, ben, là. T'es pas, les gars. C'est Fitzbé, là. Tabarouette. Racabessique à la fin de la journée. Ouais, je riais, non, mais une bonne imitation, merci. Ça m'a fait chaud au cœur. C'est facile, hein, imiter. Est-ce que t'as François, est-ce que t'as pensé à ton imitation de Simon? Imite-le.

Et c'était David Bowie et Mick Jagger qui nous chantaient Dancing in the Streets, une reprise donc qu'ils ont fait en 1985-86 avec un vidéoclip assez original. Vous irez voir ça, ça vaut la peine de le voir et je voulais absolument le plugger. C'est bien sûr, ça fait partie de la carrière solo de Mick Jagger. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a le clip suggestif? Ah ben c'est, il danse quand même assez près et les accoutrements sont très années 80 aussi, ça vaut la peine. David Bowie qui a genre un grand trench coat en léopard et tout. Mais ça rappelle l'histoire qu'il y avait eu là, que tu... Ouais, c'est ça, leur supposée relation qu'ils auraient eu dans les années 70. Parfait. Et donc c'était bien sûr dans le cadre de Phénomène, dans le cadre d'Assemblage requis. Tout avec fait. Simon Fitzbé. Et Mathieu Plante et François-Olivier Marchand. Tabarouette. Merci Simon pour ta chronique. Ça fait plaisir. Et merci pour le mois au complet sur les Rolling Stones. Ça fait plaisir. Toujours extraordinaire. On te retrouve à ta prochaine chronique Phénomène les jeudis matin, ici entre 7h et 9h. Certainement. C'est vers les 8h, pas mal. Ouais. Sur l'heure du midi, même chose, t'es entre 11h et 13h au dîner de compte, pas mal vers les midi. Ouais. T'es pas mal au milieu des choses, toi. T'es l'homme en plein milieu de l'action. Je suis l'homme dans le nombril. C'est... un peu comme Mick Jagger et David Bowie. Et puis le jeudi soir, là, t'es de retour avec la saveur du moment ce soir. Oui, je suis là ce soir. On va avoir du PJ. Harvey, bien sûr, Radiohead, on pouvait pas passer à côté, on va entendre des pièces de King of Limbs, également The Arcade Fire pour souligner leur récente victoire, etc., etc. Merveilleux, ça c'était la saveur du moment ce soir 21h, et puis demain vendredi à Rock Classic. Yeah, à 11h, ça va être les éphémérides du rock. C'est moins nombril, c'est plus extrémité. Ouais, c'est ça, c'est début. C'est la tête. Parce que Rock Classic, c'est de la tête aux pieds. Entre... C'est la tête de l'extrémité. Voilà. Ah, ouais, vu de même. Ouais. Donc, merci encore. Merci, c'est bon. Puis à tantôt, quand on va se reparler pour la chronique de François Landry. T'sais. Yeah. C'est ça. Mais pour l'instant, on prend une petite pause, François. Oui. Oui. Assemblage requis, on se fait des étirements. Yeah. Oh. Ça va bien ce matin. Oui. C'est bien que tu le précises. Ça va très bien. On et puis, au retour de la pause, François Landry. Non, Mathieu? Oui, et ça critique un peu du manifeste de Legault. Je pense que ça va être critiqué pas mal. Ça restait là après ces messages d'Assemblage requis qui est une présentation de l'émission C'était fou qui va être annoncée dans 3 secondes, Jean. Ah, c'est fou dans vos oreilles. Assemblage requis est une présentation du service aux étudiants de l'UQTR et de la Banque nationale. François-Olivier, Mathieu Plante, Assemblage requis en pièces détachées. Ah, on se quitte jamais de bien longtemps, hein, cette émission-là. On vous dit au revoir, vous êtes déjà revenus parmi nous. C'est beau la vie, non? Comment ça? C'est merveilleux. C'est beau. Avec le soleil ce matin. Ah, c'est de la magie, tout ça. Bon. Donc, François Landry vient d'atterrir en studio via ses... Un vol non lisé en direct de Libye. Voilà, voilà. J'ai pu m'échapper. Libye, qui... moi, Libye, c'était juste... Je pense c'est la méchante dans Sabrina dans le temps. Libye. Sabrina l'apprentie sorcière, évidemment. OK. Libye. Ouais. Ouais, ça se peut. C'est la seule chose que ça me rappelle. Tu vois, mes... Petit malaise géopolitique ici. C'est à peu près ça. On accueille François Landry avec sa chronique Logocratie 101. S'il vous plaît. Collègue. Le début est solennel. Quand je peux. Royal. Gang sister. Collègue, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Le début est solennel. Bonjour François. Bonjour Mathieu. Ça va bien? Oui, bonjour François. Bonjour, bonjour François. Bonjour Simon. Bonjour François. Salut François, salut François-Olivier. Salut Simon. Bonjour, bonjour collègues. Collègues. Oui. On se calme les collègues, on fait la même blague à toutes les semaines. Donc François Landry, tu nous parles du manifeste de Legault et tu nous dis, c'est tout ça pour ça là. Tout ça pour ça, tu sais. Ça fait des mois qu'on en parle de François Legault, le sauveur, le messie, le nouveau Jesus Christ du Québec qui va venir sortir enfin le Québec de sa torpeur. On l'attendait. Ah, on l'attendait-tu? Les sondages, on en avait déjà parlé. s'il se présentait là, là, on aurait pu l'élire premier ministre du Québec. Sans même voir son... sans programme, rien. On était prêt à donner tout notre pouvoir entre ses mains pour un genre de Muammar Kadhafi. Moi, j'avais tout retiré mon argent pour y donner. Tu peux l'investir, Simon, pour très longtemps parce que ça donnera rien, François Legault. Avec son manifeste, c'est un flop. Ben, ça donnera rien. Non, écoute bien. Je l'ai ici, je te le donne, ça t'en donne. C'est 7 pages recto verso. C'est un manifeste qui devrait changer le Québec en entier. M'excuse, mais juste le rapport paraît que changer l'éducation au Québec avait 5 tomes de 1000 pages chaque. Donc, pour créer des polyvalentes cégep et universités, ça avait au moins 5000 pages de rapport. Là, c'est un projet de société en 7 pages, 12 signataires. Écrit sur le coin de la table. Presque, parce qu'il a été modifié la veille de sa sortie. Il a été modifié de fond en comble. Il y a un chapitre complet qui a été supprimé. Et ça, je vais revenir plus tard. C'est pour ça qu'il est aussi plate à lire. Téléchargez-le même pas. Vous allez gaspiller du temps à Internet. C'est... écoute, ça va au recyclage immédiatement après la chronique. Non, mais, c'est bien sévère. Mais qu'est-ce qui sort de ça? OK. Je vais te faire le résumé. Ouais. J'ai pris tellement de notes pour le... deux pages qui résument le 7 pages ici. Tu as rempli les marges. J'ai rempli les marges, oui. Écoute, c'est François Legault, le leader de ce mouvement-là, mais est-ce qu'il est vraiment le leader? Non. Selon moi, non. C'est Charles Sirois, celui qu'on a vu à côté de lui. Sur YouTube, il y a une vidéo promotionnelle du lancement du manifeste. Et on voit les talents d'acteur des deux hommes. Chewbacca, le grand. Le Chewbacca et R2-D2, là, celui qui répète de manière automatique son texte. C'était pitoyable comme performance, mais on comprend, c'est pas des hommes... C'est pas des acteurs. C'est pas des acteurs. Non. C'est ça. C'est un politicien et un homme d'affaires. Il faut le préciser. Charles Sirois, c'est un homme d'affaires, un très grand homme d'affaires. Lui a beaucoup d'argent. Il est archi-millionnaire, le gars. C'est un ancien président de Téléglobe. Pendant la bulle technologique dans les années 90, il était l'homme le plus en vue de la planète. Et c'est un Québécois, un francophone, mais un vrai de vrai fédéraliste. Lui, le Canada, il l'a tatoué sous le cœur. Donc, s'il s'associe à François Legault, qui lui est un vrai indépendantiste, il a la fleur de lys tatouée partout ce que tu peux trouver un tatou. Donc, les deux s'associent ensemble. Lequel des deux va l'emporter sur l'autre? Parce qu'au Québec, on peut pas le nier. Il y a un double discours tout le temps, nationaliste ou fédéraliste. On peut pas y échapper. Mais les deux s'entendent bien. Ils s'entendent bien s'ils ne parlent pas de constitution. Parce qu'on va le voir, je vais revenir plus tard, là où ça achoppe, c'est lorsqu'ils ont osé parler de la place du Québec au sein du Canada. Là, ça a failli faire échouer tout le processus. Donc, Charles Sirois, François Legault, deux hommes d'affaires à l'origine. On se rappelle, François Legault, il est archi-millionnaire lui aussi. C'était le président d'Air Transat, jusqu'à temps qu'il soit recruté par le PQ pour devenir ministre de l'Éducation, puis ministre de la Santé, et chef appréhendé du Parti québécois, jusqu'à temps qu'il se retire pour laisser la place à Pauline Marois. À l'époque. Mais si ce serait pour tirer, est-ce qu'il aurait passé, d'après toi? Il serait aujourd'hui premier ministre du Québec. Ah ouais? Il serait à ce point-là. Parce qu'il rallie et la droite et la gauche. C'est un homme qui est indépendant de fortune, donc il n'a pas besoin d'enveloppe brune pour se faire dire quoi faire, contrairement à d'autres politiciens qui, eux autres, veulent s'agresser la patte. Donc, il aurait été premier ministre du Québec au moment où on se parle. Mais on peut pas réécrire l'histoire. C'est un nobody maintenant. Puis Pauline, elle aurait été où? En train de circler son jardin dans Charlevoix. Dans son petit chalet. Son petit chalet, son shack à l'île bizarre. Là. Donc, oui, c'est un manifeste extrêmement prudent. Durant toute la conférence de presse, on a dit des mots creux, donc la langue de bois par excellence. Les journalistes osaient poser des questions et les deux hommes se regardaient en voulant dire « Est-ce qu'on en parle? Est-ce qu'on n'en parle pas? » Ou « Moi, j'en parle » et l'autre vient le contredire immédiatement après. Donc, c'était vraiment... c'est un show d'humour. Yvon Deschamps et, tu sais... Julie. Ouais. Non, ben encore là, eux autres sont comiques. Donc... François Legault veut partir un parti politique. Lui, ça le démange. Il veut créer avec sa coalition pour l'avenir du Québec. Déjà là, c'est un gros pléonasme, une coalition, c'est deux hommes. Mm. On s'entend que c'est un regroupement d'individus, non pas de groupe. Et pour l'avenir du Québec. On est pour l'avenir, tout le monde ici présent aujourd'hui. Là. Moi, je suis contre l'avenir. Je veux qu'on t'es contre l'avenir? Tout le temps. Parfait. Donc, c'est bon. Plus de technologie. On va revenir à Dactylo, Mathieu. C'est sûr que tu vas être heureux. J'aime bien ça. Donc, François Legault veut créer un parti politique avec son mouvement et Charles Sirois, pas du tout. Déjà là, première différence d'opinion entre les deux. Lui, Charles Sirois veut que ça soit un mouvement pour influencer, devenir un think tank de l'idéologie non constitutionnaliste au Québec. François Legault, lui, au contraire, il dit d'ici l'année prochaine, il y aura parti politique. Donc déjà dans les divergences d'opinion. On ne dit pas clairement si... Dans le manifeste, c'est même pas dit qu'on va créer un parti politique. Donc déjà là, un grand manquement. En éducation, il y a deux paragraphes qui parlent d'éducation au Québec alors qu'on croyait que c'était pour être la révolution en milieu d'éducation. On appréhendait ça du moins. On dit juste qu'il faut revaloriser l'enseignement. Mais c'est ça, ils disent pas comment, Oui, ils disent comment? Augmenter les salaires des profs. Est-ce qu'il... En augmentant les frais de scolarité aussi, par la banque? Ben, il a pas dit un mot, il a juste dit qu'il faudrait réfléchir à ça, mais que les étudiants devraient faire leur part. Bon, c'est combien? Je sais pas. Est-ce qu'on fait déjà notre part? Il le dit pas. Augmenter le salaire des profs, ce qui est extrêmement déplaisant là-dedans, c'est que il dit juste il y a un problème en éducation, mais on va augmenter le salaire puis ça va tout régler. Mais il manque de personnel, il manque d'infrastructures, il manque de ressources, tant matérielles que humaines pour les enfants. On le voit dans les maternelles et primaires, les enfants en difficulté sont intégrés dans des classes alors que leur processus est ralenti et de par le fait même ralentissent le processus des enfants dits normaux, si je m'excuse du terme, mais il y a une problématique là, il manque de psychothérapeutes. Il manque de garderies, simplement. Il manque de tout. Non, il manque de tout. Mais on va augmenter les salaires. Ça va régler le problème au Québec. On dit pas aussi combien les droits de scolarité vont augmenter. On dit juste qu'il faut qu'ils augmentent. On dit pas combien de patients de plus un omnipatricien devrait avoir en moyenne au Québec. Mais on dit qu'il faut régler le problème des médecins de famille. On dit pas comment. Les commissions scolaires, il faut les abolir, mais on ne dit pas pourquoi ni qu'est-ce qu'on va faire pour les remplacer. Les finances du Québec, il veut investir, mais où va-t-il aller chercher l'argent? On ne le dit pas. C'est facile, hein, faire un programme comme c'est ça. Tu règles tous les problèmes, mais tu n'as aucune solution. On ne dit pas non plus ce qu'on va faire avec Hydro-Québec, à savoir est-ce qu'on augmente les tarifs d'électricité, puisqu'il dit que ça pourrait être bien d'aller chercher l'argent neuf là pour investir dans les salaires, en éducation, entre autres. Mais il ne dit pas dans le manifeste combien. Est-ce que... Il n'y a pas de chiffre. Il n'y a pas de chiffre. Pourquoi? Parce que ça effraie les gens. On ne veut pas payer plus cher notre électricité. Déjà qu'elle est très chère, oui. On ne veut pas la payer en plus. Donc, il ne veut pas effrayer les gens. La corruption, le grand thème à Jauss qui aurait pu vraiment surfer sur une vague de popularité, il dit seulement qu'il faut faire la lumière là-dessus. Ouais, c'est un peu ridicule. Voilà. Sur le milieu des affaires... C'est incroyable. Oui. C'est incroyable. Sur le milieu des affaires, c'est deux hommes d'affaires. Oh, on lit entre les lignes du manifeste qu'on y favorise, entre autres, la baisse d'impôts pour les entreprises. On a vu dans une chronique précédente que c'était néfaste de faire ça. C'est niaiseux. On comprend mieux pourquoi dans ce groupe qui se présente comme une coalition, il n'y a que des hommes d'affaires et aucun issu du milieu syndical ou communautaire. Regarde la liste des signataires à toute fin. Il y en a 12. J'ai regardé, je les connais pas tous. Il y en a un qui est un ancien du Parti québécois. En a un autre, la Fédération des commissions scolaires. Et les autres, c'est des jeunes affairistes issus des chambres de commerce ou des milieux Institut économique de Montréal et tout ça. Il n'y a personne provenant du milieu communautaire, journalistique, syndical ou politique ou bref, tout ce qui pourrait être le... Personne avec la crédibilité, dans le fond, pour ce qui est de la politique. Oui, mais de l'autre côté de la médaille de la coalition. On dit que c'est une coalition gauche-droite, fédéraliste-nationaliste. M'excuse, mais ça, c'est seulement la droite. Oui, c'est un genre... Eux autres présentent ça comme un melting pot de plein d'idées, de plein n'importe quoi. Non. Ça va se déchirer en dedans de 6 mois. 6 mois, t'es généreux. La semaine prochaine, on n'en parle même plus. Aussi pour la question nationale, ça c'était le grand thème majeur, à savoir est-ce qu'ils sont fédéralistes, souverainistes ou qu'est-ce qu'ils peuvent être? Eh bien, ils en disent pas. Ils en parlent pas. Oh. Pourquoi? Parce que ça, c'était lancé lundi dernier. Dimanche soir, la version brouillon n'était même pas encore officialisée, qu'il rayait en entier un chapitre complet sur la question nationale. Parce que François Legault, je l'ai dit, il est tatoué fleur de lys partout. Il y avait un chapitre sur la langue française, un chapitre sur l'identité, sur la culture, sur la société distincte du Québec. Charles Sirois dit non. C'est moi qui paye. C'est, c'est moi qui paye, c'est moi le leader du milieu d'affaires. On raye, on supprime ça. C'est pour ça que Joseph Facal s'est retiré du projet. C'est pour ça que Christian Dufour, politologue nationaliste, mais de droite, a dit, moi aussi, je me retire quasiment dans la semaine précédente à ça, parce qu'il y avait vraiment une chicane interne dans la coalition sur la question de la place du Québec au Canada. Ils ont dit, Charles Sirois, fédéraliste comme il est, un ancien conseiller de Brian Mulroney et ancien recruteur pour le Parti libéral du Québec, donc très attaché aux valeurs canadiennes, a dit, on ne parle pas du Québec, de la situation constitutionnelle du Québec au sein du Canada. Sinon, je me retire. Et si Charles se retirait, ça aurait été François Legault et 11 autres nobody qui auraient signé le manifeste. Donc, il a dit, parfait, on va plier. Donc, c'est un document tellement épuré de tout ce qui aurait pu amener des idées neuves vers un brassage d'idées au Québec qui n'a pu rien à part le prix du document, c'est le prix qui a coûté la carte rouge d'encre pour l'imprimer parce que ça ne vaut strictement rien. Je suis peut-être sévère, mais on a fait une grosse balloune médiatique avec ça et puis là, lundi, après la conférence, ça a été... Mais au moins, est-ce que ça a pu influencer la scène politique? Comme là, Jean Charest a fait un discours inaugural hier, puis c'était quand même... on va ramener plus de d'anglais à l'école, on va ramener le vouvoiement, on va développer le projet Grand Nord. Etc. Est-ce que ça c'est comme une réponse à cette effervescence-là autour de François Legault? Il profite, c'est pas à cause de François Legault, mais il profite de la vague que les gens, la population a dit... à travers les sondages, on veut du changement au Québec. On veut des projets novateurs. Le PQ avait le plus à perdre avec ça. Parce que les souverainistes de droite ou de gauche, surtout de droite, auraient pu suivre François Legault, ceux qui n'aiment pas Pauline Marois. Et même la gauche au sein du PQ n'aime pas Pauline Marois. Donc, ils ont dit, on va aller rejoindre celui qui est social-démocrate officiel, donc François Legault. On va le suivre. Donc, dans les sondages, ça paraissait, c'était presque le tiers des électeurs péquistes qui étaient prêts à quitter le PQ, le navire péquiste, pour la coalition. Donc, ça aurait fait grand mal au PQ. Mais là, Pauline Marois a dit que c'est ça, cette affaire-là, on jette ça. Mais François, t'as toujours une place au sein du PQ. Donc, ils veulent le récupérer. Jean Charest, lui, avait le moins à perdre avec ça. Donc, il peut profiter des idées, s'il y en a, dans le manifeste pour les ramener. Mais ce que tu disais, Simon, avec son discours inaugural de Jean Charest hier, c'est pas à la coalition qui a piqué les 4 sur 5 des points. C'est à l'ADQ. Le programme de l'ADQ 2007, c'est ce que Charest a dit hier en onde. Donc, je pourrais revenir là-dessus plus tard. Pour l'instant, je fais juste rire encore. Là, d'ailleurs, ce matin, Mario Dumont félicitait Jean Charest. Puis il a pas défendu l'ADQ du tout. Lui, il était d'accord à ce que Charest fasse ça. Puis il s'est rallié au Parti libéral. Effectivement, parce que c'était ce que Dumont disait en 2007. Jean Charest l'a dit hier. C'est calqué. Là. On pourrait l'accuser de plagiat. Il n'y a plus personne qui veut suivre Gérard Deltel anyway. Fait que... Sauf lui. Parce que Gérard Deltel, hier et à la conférence de François Legault, il a dit « Je suis le chef de l'ADQ. Je serai le chef de l'ADQ à la prochaine course, à la prochaine élection générale, et François Legault, on pourra peut-être éventuellement un jour discuter avec lui. Ça va faire comme avec Lucien Bouchard, comme avec n'importe quel gros légume. C'est comme le Canadien de Montréal, n'arrive pas à avoir un gros joueur de centre, et l'ADQ non plus n'est pas capable. Et voilà. Ben, à part lui, à part Deltel, qui est le plus charismatique. Qui se pense. Oh, il est charismatique, Gérard Deltel. 96% de vote au dernier congrès, Simon. Sur 4 personnes. Sur 4-5 personnes. Effectivement, ça, on va arrêter de rire de lui, pauvre Tibet. François Legault, grosse balloune, dégonflée. Maintenant, son défi, ça sera de rester dans l'actualité politique pendant les semaines et les mois à venir. Mais déjà, c'est lundi qu'il l'a sorti. Hier, mercredi, c'était le discours inaugural de Jean Charest. Aujourd'hui, est-ce qu'on parle de François Legault dans les médias? Non. François Legault sera à Tout le monde en parle dimanche soir. Si jamais vous avez quelques minutes à perdre de votre dimanche soir, vous pourrez l'écouter. C'est la dernière fois de la semaine qu'on le verra à la télé. C'est la dernière fois du mois, de la saison peut-être. À moins qu'il sorte un programme beaucoup plus étoffé dans les jours, semaines à venir, dans les mois à venir, d'après moi, ou même dans l'année à venir. Mais le tort est fait. François Legault a raté sa nouvelle entrée en politique. Mais François Legault, comment a-t-il pu sortir ça sans amener de solution? C'est incroyable. Mais c'est incroyable. Non, mais c'est se tirer dans le pied. Il devait le savoir. Tu sais, il y a de l'expérience. C'est soit qu'il est très brillant, qu'il y a une stratégie derrière qu'on ne réussit pas à comprendre, ou il s'est fait tellement influencer en disant « t'es beau, t'es bon, t'es capable », ou l'autre stratégie qui est la plus probable, c'est que présentement, il veut juste se ramener sur la scène publique en vue du congrès du Parti québécois au mois d'avril. On n'oublie pas que Pauline Marois sera soumise à un vote de confiance. Si elle ne le passe pas, qui sera le sauveur appelé en renfort? François Legault. Ou j'ai dit ça. Mais j'ai dit ça, non. Lui, il va s'en vendre l'élection. Ouais, c'est vrai. Donc, OK. Hein? Il prépare. Le terrain. Est-ce que c'est ça sa stratégie? D'après moi, oui. Parce que sa coalition est vouée à un échec total dès là. Dès sa sortie, c'est un projet mort-né. Ouais. Je te trouve pas mal intelligent, toi. Ben, es-tu surpris, François? Sois pas surpris de ça. J'ai quand même un deck. Ouais. Une barbe. Ça aide. Donc, qui appuie, qui va pas appuyer, on verra les sondages dans les prochains jours. Avant la sortie du manifeste, 40% des Québécois auraient voté pour Legault. Est-ce que j'attends avec impatience le prochain sondage? Est-ce qu'il y aura une case François Legault dans le sondage? Je pense que même les firmes de sondage oseront même pas aller voir ce que les gens en pensent. Que c'est pourri. Je le dis, je l'affirme, c'est pourri ce document-là. Ouais. C'est clair, ça le mérite d'être clair. Donc, on déchire, puis... Oui. On passe à autre chose. On n'a pas de bac à recyclage en studio. Ouais, j'en ai au bureau. Merci beaucoup, François Landry. Ça m'a fait grand plaisir ce matin. Je suis heureux. T'es soulagé. Le mucus en sang. Donc, François Landry, au sujet de François Legault, je te dirais, François, le good job. Hey, good. Je peux passer Go et réclamer 200. Et voilà, j'allais dire aussi. Non, j'aurais pu en faire un sur Gérard, comme dans Gérard Deltel, mettons. Comme dans J'ai rarement vu une aussi bonne chronique, mettons. Déchets d'autres papiers, ça va être. Je continue. On te retrouve jeudi prochain à 8h30 pour une autre chronique Ludocratie 101. Merci. Fais plaisir. Merci, ouais. Il nous reste encore 8 minutes à l'émission Assemblage requis. On continue ça jusqu'à 9h et on s'écoute un petit bloc musical qui va vous intriguer, les gars, parce que mes nouvelles lunettes... Oui, c'est vrai, tu ressembles à... C'est ma blonde qui me disait ça hier, tu ressembles à Jermaine. De Flight of the Conchords. Tu te rappelles Flight of the Conchords, c'est la chanson là, que tu aimes tant, Too Many Dicks on the Dance Floor. C'est celui que j'écoute à chaque jour. C'est préparé pour le F1 à soir. C'est à soir, ça. Beaucoup trop de... Ça, c'était mon bip de censure. C'est ce qui va arriver. C'était pas le mot pipi, quand même. C'était juste un bip de... Mesdames, avant d'aller veiller, pensez à ce qu'ils disent dans cette tune-là. Too many dicks on the dance floor. Too many dicks on the dance floor. Too many dicks. Too many dicks on the dance floor. Too many dicks. Too many dicks. Going to the party, sipping on Bacardi. Wanna meet a hottie, but there's Adam, Steve, and Marty. There's Billy, Todd, and Tommy. They're on the front of the army. The only boobs I'll see tonight will be made up of origami. Tell the fellas, make it understood. It ain't no good if there's too much wood. Make sure you know before you go. The dance floor rojo ratio 5-1 is a rodeo. Tell Steve and Mike it's time to go. Wait outside all night to find 20 dudes in a conga line. Too many dicks on the dance floor. Easy to fix. Too many dicks on the dance floor. Spread out the dicks. Too many dudes with too many dicks. Too close to my shit, too hard to meet chicks. I need better arms, more broad flesh rods. I can't do battle, skedaddle with the camera frogs. Too many men, too many boys, too many misters, not enough sisters, too much time on too many hands. Not enough ladies, too many men. Not enough ladies, too many men. Not enough ladies, too many men. Too many men, too many men. Assemblage requis est une présentation du service aux étudiants de l'UQTR et de la Banque nationale. Nounou! Un chandail ici là, que je peux plus sentir, qui m'écœure. Le numéro 13, là, décroche-moi ça tout de suite. Personne s'en sert à soir. Le conduit de partie. Pas d'intro du tout, hein, mais quand même, j'emmène quand même. Tu me diras pas quoi faire dans mon émission, quand même. Hein, non, non, en effet. C'est ça. Donc, c'est Nicolas Duchamp qui vient d'arriver pour son émission Les Contes de partie. Ça a lieu demain à 9h, mais là, en ce moment, tu veux nous parler de quoi? Le match d'hier? Ouais, match d'hier, du côté des Patriots, on affrontait. C'était le premier match de la série contre les puissants Ravens de Carlton. Je dis puissants, ils ont terminé un point en arrière des Patriots au classement, donc c'est une série qui est très, très, très difficile à prédire qui va l'emporter. Mais hier, les Patriots ont su extirper le meilleur d'eux autres contre une équipe qui a décidé de jouer une période sur trois. Dans un 2-3, c'est peut-être pas ce qui est le plus idéal. Et on l'a emporté par la marque de 4-2, mais à un certain moment, là, en fait, deuxième période, on va dire, là, il restait 4 secondes. C'était 3-0 pour les Patriots. Malheureusement, Nicolas Desilets a décidé de lancer la rondelle au bout de la patinoire, dégagement fusé. 2 secondes plus tard, les Ravens s'inscrivaient à la marque. C'était suivi par un autre but tôt en troisième. À 3-2, on était un peu plus nerveux, mais heureusement, Félix Petit a profité d'un mauvais rebond lors d'un dégagement pour se retrouver seul devant le gardien des Ravens et mettre la marque 4-2 pour les Patriots et donner la victoire au Trifluvien. Et comme dans le temps de Dale Hunter, des beaux souvenirs. En effet, Simon. Hey. Mais y avait-tu un peu de monde? Ouais, un peu plus de monde. Non, on parle de 350. C'est une foule correcte, mais dans un colisée qui peut en contenir 3000. Ça paraît quand même. C'est comme mettre 6 chipettes dans une batch de biscuits au chocolat. Ça fait chier. Ça, c'est pas génial. Mais c'est bon, quand même, un peu. Ben, c'est de la pente. Ouais, c'est ça. Fait que là, écoute, tu penses que les Patriots ont une chance de... Ouais, je pense qu'on a une chance de se rendre contre les Redmen de McGill. Une très bonne chance. Le match est vendredi à Ottawa pour contre Carlton. Si jamais match ultime est nécessaire, ça va être disputé dimanche soir ici à Trois-Rivières. Je crois qu'on peut l'emporter, du moins si on sort une performance. On n'a pas tiré beaucoup, mais on joue du hockey de sacrifice, présentement, du côté des Patriots, et ça paraît. C'est cool, je vais pouvoir porter mon chandail du Redmen, prochainement. Bon, ah! Qu'est-ce que c'est, un chandail des Redmen? Pas encore. Mais il va acheter tous les chandos. Les qui ne sont pas des patriotes. Ouais, exactement. Ouais. Ah ouais, qui est un anti-patriote. Je ne suis pas patriote. Eh boy. Je vais te juger à travers le micro direct. Là. Ouais, ouais. Il fait 30 degrés dans nos studios. Yeah. Quoi? Quoi? Ça, c'est un message subliminal. OK. C'était quoi? C'était un ID, genre? Ah, j'ai de comprendre. Ouais, je parle de d'autres endroits qui ont des antennes sur le toit. Genre, c'est ça. Les patriotes sont là. Puis ça... Les patriotes sont tight avec... Mais bon. Dégence. Je vais me faire péter la gueule si j'en dis plus. C'est ça. Je vais t'empêcher de dire d'autres choses en fermant ton micro. Donc, Nicolas, merci beaucoup. On doit se quitter, mais on va avoir ton émission demain matin à 9h. 9h, exactement. 9h07 pour être précis. Et quand même la précision ici. Ouf. Ah, pas une minute avant, c'est dangereux. Les sinon. News. Et les pubs et d'après les nouvelles. Les news pubs. Donc, merci encore une fois. Et Simon, merci à toi aussi. Merci. Un plaisir. Et François Landry, merci beaucoup. Merci François Landry. On se retrouve lundi matin à 7h avec une toute nouvelle édition. Il va y avoir Stéphanie Gagné. Stéphanie Gagné, oui, lundi, avec sa chronique Take Me Out. Ouais, peut-être Audrey Tremblay aussi, peut-être, on verra. Si voiture il y a là, pour Stéphanie. Si voiture il y a pour Stéphanie, ouais, avec son accident, on ne sait pas encore. Les nouvelles de Radio-Canada s'en viennent. Moi, je vais être de retour à 13h avec l'émission C'était fou. On rembobine l'année 2008 tout à l'heure. Et puis, les palmarès C'est fou ont commencé à 14h avec une entrevue Alex Nevsky. Et puis, plus tard dans la journée, restez là parce qu'une pêche en mission, Stéphanie elle-même, va recevoir Monogrenade dans son émission. On est big, là. Ouais, on est... Bel album, hein, eux autres. Oui, ça va être bon, ça. C'est productif. Bonne fin de semaine, les gars. On a pas le temps à parler. On a aucunement le temps. Et toi, arrête. Sur les ondes de C'est fou, voici maintenant le bulletin de nouvelles de la première chaîne de Radio-Canada.